X. C'était un héros, incontestablement. Un héros immédiatement statué dès le lendemain de sa mort. Fabien, le colonel Fabien. Un jeune homme, il n'avait pas 26 ans quand il est mort, qui était un porte-drapeau pour la résistance et le Parti communiste français. Premier résistant à avoir abattu un officier allemand, arrêté, torturé, évadé, blessé à plusieurs reprises, Fabien a été l'homme de toutes les embuscades et sabotages, le prototype du partisan, et enfin le chef d'une armée de sans-culottes qui est allé combattre brillamment l'ennemi jusque sur les rives du Rhin. Fabien, l'éternel jeune homme, courageux, téméraire. Fabien, qui arrivait à point pour faire oublier la grande passivité de la population française pendant l'occupation ou les tergiversations des communistes, avant que l'Allemagne nazie n'attaque l'URSS. Mais pourquoi parler aujourd'hui de ce héros qui a donné son nom à une station de métro et à une place où, symboliquement, le Parti communiste a édifié son siège? Parce que les circonstances de sa mort n'ont jamais été réellement éclaircies. Parce que le jeune chef de la brigade de Paris, qui combattait aux côtés des Américains, puis au sein de la première armée du général Delattre, avait des ennemis. Et pas seulement de l'autre côté du Rhin. C'est en tout cas ce qu'affirme M. X avec conviction. Il prétend que le colonel Fabien n'est pas mort accidentellement en manipulant une mine. Il s'agissait en réalité d'un attentat. Fabien, qui s'appelait en réalité Pierre Georges, devait disparaître. Dans un instant, les explications de M. X. Mais avant, quelques éléments biographiques sur Fabien. Je les emprunte à l'historien du Parti communiste Philippe Robrieux. Son père était ouvrier boulanger. Ils étaient quatre enfants lorsque la mère meurt en 1928. Il est donc élevé à partir de l'âge de 9 ans par sa sœur aînée qui en comptait seulement 16 et sait très tôt combien la vie peut être cruelle et difficile. Déjà responsable à 10 ans à Villeneuve-Saint-Georges d'un groupe de pionniers, les ancêtres des Vaillants, organisation pour enfants et jeunes adolescents mis sur pied par le PC, il baigne dans le milieu du parti dès ses premiers pas dans l'existence. C'est ainsi qu'il entraîne ses camarades à quêter pour des mineurs du Gard en grève à l'âge de 11 ans. Apprenti boulanger après le certificat d'études, il aimerait être pâtissier. Mais son patron le gifle, il lui jette un pot de crème à la figure et sa carrière de pâtissier s'arrête là. Il devient alors poseur de rivets sur des chantiers installés à Villeneuve-le-Roi et rencontre Marcel Sagnier, qui sera son camarade de combat en Espagne durant la guerre civile. Il continue à participer aux activités ainsi qu'aux sorties de camping d'un groupe de la jeunesse du 19e arrondissement. Et il est bien difficile de dire quand il a adhéré au JC ou au parti, car au fond, il a toujours été adhérent. La suite, c'est donc l'Espagne. Fabien a 17 ans lorsqu'il s'engage dans les brigades internationales. Il y gagnera sa première blessure et une solide expérience de combattant et de meneur d'hommes. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Fabien était un sacré type. Sacré type, que voulez-vous dire? Difficile d'imaginer un homme plus intrépide. Fabien n'avait peur de rien. Ouais, vous en parlez comme si vous l'aviez connu. Non, je suis au regret de vous dire que je n'ai jamais croisé son chemin. Enfin, il se trouve que j'ai rencontré beaucoup de gens qui l'ont fréquenté. Des communistes, hein? Pas seulement. Dans la brigade qu'il a rassemblée après la libération de Paris, il n'y avait pas que des communistes. Fabien n'était pas sectaire. Ce qu'il demandait aux gens, c'était d'abord de savoir se battre et le plus courageusement possible. Et quand vous dites qu'il était intrépide et qu'il n'avait peur de rien, est-ce qu'il ne prenait pas trop de risques? Peut-être. Fabien était tellement jeune, tellement fougueux, mais je vois ce que vous voulez dire. Certains ont prétendu que Fabien était une sorte de fou de la gâchette. Mais je ne suis pas d'accord du tout. Il n'a jamais entraîné ses hommes dans des aventures sans lendemain. Et quand il a pris des risques, c'était lui personnellement qui s'exposait, pas les autres. En tout cas, c'est vrai, Fabien n'était pas un officier ordinaire. Il était marqué par son expérience de partisan. Mais c'était un homme du coup de main. Oui, aussi un type qui rêvait d'une armée d'un autre type. Ah, c'est-à-dire ça? Une armée où la discipline aurait été librement consentie, où il n'y aurait plus d'adjudants bornés et aussi des soldes égales entre les officiers et les hommes de troupe. Ouais, c'est une armée révolutionnaire, ça. Sans doute, sans doute. Fabien, lorsqu'il a commandé sa brigade, a dû souvent penser aux jeunes généraux de la Révolution. Et naturellement, ses convictions ne lui ont pas attiré que des amis. Au sein de l'armée? En particulier, oui, mais même dans son parti. Ah, dans le Parti communiste? Oui, je suis sûr qu'il y avait des dirigeants qui se méfiaient de lui. À cause de son audace? Exactement. La preuve, c'est qu'après la guerre d'Espagne, où son comportement a été exemplaire, où il a été grièvement blessé au ventre, le Parti communiste ne lui a pas été particulièrement reconnaissant. Fabien est rentré dans le rang et il a gagné sa vie comme ouvrier. Il n'a donc pas appartenu aux instances dirigeantes? Non, il faudra attendre la guerre pour devenir le dirigeant des jeunesses communistes pour la région parisienne. Mais ça arrive à un moment où, à cause du pacte germano-soviétique, le parti, dissous, vient de basculer dans la clandestinité. D'ailleurs, Fabien ne tardera pas à être lui-même arrêté et interné. Et quand? Interné par les autorités françaises. Oui. Et quand les Allemands arrivent en France, il est encore interné? Non, il s'évade en juin 40, juste à temps. Et tout de suite, il retrouve la clandestinité? Bien sûr. Ouais. Mais résiste-t-il pour autant? C'est la grande question de l'attitude du Parti communiste jusqu'au moment où les nazis attaquent l'URSS. Ont-ils commencé à résister ou ont-ils attendu? Personnellement, je pense que la direction du parti a une attitude plutôt attentiste. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a même eu auprès des autorités allemandes une demande de reparution de l'humanité. C'est exact. Mais dans le même temps, d'autres dirigeants, et je pense en particulier à Charles Tillon. Le futur chef des FTP, Tillon. Ouais. Oui, et ces hommes-là, sans attendre l'attaque de l'URSS, commencent à envisager la lutte contre l'occupant. Et bien sûr, Fabien est de cela. Et que font-ils? Ces jeunes, car ils sont tous très jeunes, mettent sur pied une organisation spéciale. C'est le nom qu'ils lui donnent. Chargé de récupérer des armes et de préparer des actions de sabotage. C'est d'ailleurs cette organisation spéciale qui donnera naissance un peu plus tard au FTP, les francs-tireurs et partisans. Mais c'est vrai, la véritable bagarre va commencer après juin 41 et Fabien va y prendre une place éminente. En exécutant le premier en France, un officier allemand. Oui, en août 41. Même si en réalité ce militaire n'a pas été le premier allemand à être abattu par la résistance. Quelques jours avant, un autre soldat a été tué à coups de poignard alors qu'il sortait d'une maison close. Mais c'est l'attentat perpétré par Fabien qui retiendra l'attention. Pourquoi? Parce que la victime était un officier. Et surtout à cause de l'audace et du sang-froid du commando. Mais avant d'en venir aux circonstances même de cette exécution qui va avoir une importance énorme, je crois qu'il faut analyser ce qui s'est passé avant. Ouais, je vous écoute. Sur cette question, il y avait d'abord un débat interne chez les communistes. Oui, dont certains étaient contre les attentats individuels. Traditionnellement, oui. Et cela depuis les attentats anarchistes de la fin du siècle dernier. Les partis communistes étaient opposés au terrorisme et à l'action directe. Pour eux, seule l'action de masse devait être entreprise. Mais au nom de quel argument vraiment était-il opposé? L'internationalisme. Le soldat allemand qu'on veut abattre, peut-être un ouvrier, peut-être même un ouvrier communiste. Par conséquent, les attentats individuels ne faisaient pas partie de la culture du mouvement ouvrier. J'ajoute aussi que les militants n'étaient pas formés pour accomplir de telles actions. Ouais, sans doute ne les approuvaient-ils pas tous. C'est certain. Et si Fabien agit le premier, c'était en quelque sorte pour donner l'exemple. Ouais, et inciter ses camarades hésitants à l'imiter. Tout à fait. Notez bien que ça en dit long sur le caractère de ce jeune homme de 22 ans. Mais il y avait aussi un autre débat au sein de la résistance et des forces alliées. Les Anglais, par exemple, était encore hostile aux initiatives militaires de la résistance. Oui, pour quelle raison? Il voulait que les résistants s'organisent, fassent du renseignement. Mais c'est tout. La lutte armée ne devait commencer qu'au jour J, lorsqu'ils en donneraient eux-mêmes l'ordre. Et de Gaulle, lui aussi n'était pas favorable aux opérations militaires et aux exécutions de soldats allemands. Et pour au moins deux raisons. Le chef de la France libre pensait que la résistance n'était pas encore prête. Et surtout, il craignait les représailles allemandes. En fait, je crois qu'il ne voulait pas que les Français reprochent à la résistance ces représailles. Et pourtant, ces jeunes communistes vont passer outre. Oui, d'autant plus qu'à ce moment-là, ils n'ont encore aucun rapport avec Londres. Mais ils ont une excellente et terrible raison pour passer à l'action ce mois d'août 1941. Quoi ? Deux jours avant que Fabien n'exécute l'aspirant Moser, les Allemands ont fusillé deux de ses copains. Les résistants ? Ils le seraient certainement devenus. Mais ce que les nazis leur reprochaient, c'était simplement d'avoir participé à une manifestation de rue pacifique et anti-allemande. Avec l'aide de la police française, les troupes allemandes les avaient capturés. Six jours plus tard, ils étaient fusillés. Fabien a donc considéré qu'il lui fallait aussi venger ses deux copains. Sans nul doute. Et c'est pourquoi, le 21 août, il a emprunté un pistolet 6.35 à l'un de ses amis. Le général de Gaulle, nous a dit M. X, était opposé aux attentats individuels contre des soldats allemands. Alors qu'au contraire, les dirigeants communistes ont donné des ordres opposés et dénoncé l'attentisme de Londres. C'est pourquoi, le 23 octobre 1941, au micro de la BBC, le général de Gaulle, sans changer d'avis, se croit obligé de faire cette mise au point. Il est absolument normal et absolument justifié que les Allemands soient tués par les Français. Si les Allemands ne voulaient pas recevoir la mort de nos mains, ils n'avaient qu'à rester chez eux. Du moment qu'ils n'ont pas réussi à réduire l'univers, ils sont sûrs de devenir chacun un cadavre ou un prisonnier. Mais il y a une tactique à la guerre. La guerre doit être conduite par ceux qui en ont la charge, actuellement. La consigne que je donne pour le territoire occupé, c'est de ne pas y tuer ouvertement d'Allemands. Cela, pour une seule raison, c'est qu'il est, en ce moment, trop facile à l'ennemi de riposter par le massacre de combattants momentanément désarmés. Au contraire, dès que nous serons en mesure de passer à l'attaque, les ordres voulus seront donnés. Un appel de De Gaulle qui restera ignoré des communistes. Vous savez comment s'est passé l'attentat du métro Barbès? Oui, dans les grandes lignes, oui. C'était le 21 août au matin. Fabien a donné rendez-vous à trois garçons de son groupe, dont un certain Gilbert Brousselaine, dont nous reparlerons. Quelle est la mission de ces trois garçons? Ils doivent faire le guet et assurer la protection de Fabien. Celui-ci a déjà repéré la station et surtout les couloirs de sortie. Afin de se sauver. Naturellement. Mmh. Fabien était un fonceur, mais il savait aussi s'organiser. Et officiellement, il va être choisi au hasard? Tout à fait. Et Fabien sait que dans cette station Barbès, qui est en outre une correspondance, nombreux sont les militaires allemands qui passent. À cette heure matinale, ils rejoignent leur caserne ou leur bureau. Et justement, ce matin-là, Fabien repère un grand officier de la Kriegsmarine qui arrive sur le quai. Oui, c'est Moser. Oui, Fabien le suit. Une rame entre dans la station. Et juste au moment où l'officier s'apprête à entrer dans la voiture de première, Fabien tire. Deux coups. L'Allemand s'écroule à l'intérieur de la rame. Aussitôt, Fabien, protégé par Brusten, s'échappe en courant. Ouais. Alors, est-ce que cet attentat va provoquer immédiatement des représailles? Oui. Enfin, là, il faut être clair. On a accusé Fabien, et plus généralement les communistes, d'avoir été les responsables des exécutions d'otages qui vont avoir lieu ensuite. C'est pas tout à fait exact. Car le gouvernement de Pétain a mis en place, avant même l'attentat de la station Barbès, toute une série de mesures aggravant la répression des menées antinationales, comme on disait à Vichy. Oui, c'est les sections spéciales. C'est cela, oui. Ouais. Une des plus belles saloperies qu'on ait jamais imaginées. Des juridictions d'exception et une loi rétroactive. Qui est un déni de justice. Ouais. C'est-à-dire que des magistrats français vont juger rétroactivement des hommes qui n'ont rien à voir avec l'attentat de Barbès. Exactement. Six hommes, six communistes qui ont été arrêtés avant. Et les juges de la section spéciale reçoivent l'ordre du gouvernement de prononcer des condamnations à mort. Ce qu'ils vont faire sans état d'âme pour trois de ces hommes qui sont aussitôt guillotinés. Mmh. J'imagine que Vichy a dû subir la pression des Allemands? Non. Dans cette affaire, en créant ces honteuses sections spéciales, le gouvernement de Pétain a précédé les demandes allemandes. Et d'autres condamnations à mort suivront, toutes prononcées par ces juridictions d'exception. Tandis que de leur côté, les nazis annoncent qu'ils vont désormais considérer comme otages tous les Français arrêtés. Ouais. Et des otages qui seront fusillés si de nouveaux militaires allemands sont abattus. Naturellement, ce qui n'empêchera nullement les résistants communistes de continuer à éliminer des soldats allemands. Beaucoup d'otages, nous le savons, le paieront de leur vie. Mais pouvait-il en être autrement? Henri Noguer évoque dans son histoire de la résistance les réactions des résistants à l'attentat du métro Barbès. Et certaines sont très négatives, dont celle du célèbre colonel Rémy. Je cite Noguer. Rémy, sans nommer Fabien, mais en le désignant de façon transparente, a cru pouvoir stigmatiser l'attitude d'un certain colonel qui a laissé fusiller 50 otages à sa place après avoir tué dans le dos un jeune officier allemand. Et le grand historien de la résistance, lui-même ancien résistant, d'ajouter « Nous avons assez souvent rendu hommage au courage et à l'efficacité de Rémy, et nous attachons trop de prix à son amitié pour ne pas lui reprocher un coup bas qui n'est pas digne de lui. » Après Barbès, que devient Fabien? Ben, il continue. À tuer des Allemands? Oui, mais aussi à acheter des bombes dans les lieux où se trouvent des militaires, à incendier des véhicules, à organiser des sabotages divers. Fabien est infatigable. Et toujours, il met la main lui-même à la pâte, ce qui est bien dans son caractère. Mmh. Et il réussit durablement à échapper aux recherches, car j'imagine qu'il va figurer parmi les résistants les plus recherchés de France, non? Vous avez raison, d'autant que la Gestapo porte des coups très durs à l'organisation spéciale du PC, qui se transforma en FTP en 1942. Et ici, il me faut parler d'un incident très curieux. Ouais. Vers la fin de 1941, le laboratoire de l'organisation tombe. Le laboratoire? Oui, un véritable labo chargé de préparer les explosifs. Et manifestement, ce laboratoire a été donné. Ouais, il y avait donc un traître. Certainement. Alors on essaie de le démasquer. Et les soupçons du parti se portent à tort sur Brusselaine. parce qu'il aurait au moins une fois commis une imprudence. Et Bruce Lane, c'est le jeune homme qui a protégé Fabien à la station Barbès. Lui, hein. Oui. Et c'est Fabien qu'on charge de le liquider. Dur, non? Très dur, oui. Ouais. Et Fabien va obéir? Il en a l'intention, c'est sûr. Un rendez-vous est organisé entre les deux hommes. Mais Fabien recule au dernier moment, sans doute parce qu'il ne croyait pas à la trahison de Bruce Lane. Bruce Lane qui recevra plus tard une étrange confidence. Mais nous en parlons tout à l'heure. En tout cas, le pavé parisien devient brûlant pour Fabien. Il échappe de peu à l'arrestation et quitte la capitale. Où va-t-il, là? Il va prendre le commandement FTP d'un maquis dans le Doubs. Et là aussi, il multiplie les coups de main, les sabotages, les exécutions. Fabien donne la mesure de son talent. C'est un chef de guérilla de premier ordre. Son courage, son audace font merveille dans la lutte contre l'occupant. Et comme d'habitude, il pète sa personne. Ça va d'ailleurs lui coûter très cher. Donc, que va-t-il lui arriver, là? Au cours d'une opération, en octobre 42, son groupe est attaqué par des gendarmes. Il y a échange de coups de feu, Fabien est touché à la tête. La balle entre par la tempe, ressort au-dessus de l'œil gauche. Mais le maquisard réussit à plonger dans l'eau d'une rivière et il échappe aux gendarmes. C'est assez étonnant. Et sa blessure? Elle guérira lentement, mais ça n'empêchera pas Fabien de continuer à résister. Un mois après, il est de retour à Paris. Mais à la fin du mois de novembre, il est arrêté par la police française. Dans quelles conditions? Une trahison, certainement. La deuxième, donc. Hein. J'y reviendrai. Arrêté, Fabien est torturé. Par les policiers français? Oui, mais il n'avoue que le minimum. C'est-à-dire? Les renseignements qu'il sait être déjà en possession de la police et des nazis. Ou alors les actions qu'il a menées lui-même et qui n'impliqueront donc aucun autre résistant. Quelques jours après son arrestation, il est confié à la Gestapo. Nouveaux interrogatoires, nouvelle torture? Bien sûr. Mais Fabien supporte tout cela avec courage. Et après plusieurs pérégrinations dans diverses prisons, il est finalement envoyé au fort de Romainville, qui a été transformé en camp de détention. Et encore là, Fabien va faire preuve d'une extraordinaire audace. Racontez-moi ça. Avec son co-détenu, un autre résistant, il perce le mur de la casemate où il est enfermé et peut ainsi pénétrer dans la cellule voisine qui est vide et dont la porte n'est pas fermée à clé. Et le 1er juin 1943, il s'évade en escaladant le mur de la forteresse. Et plus que jamais, il a la rage de combattre. Ouais. Et pourquoi plus que jamais à cause des tortures qui lui ont été infligées, j'imagine. Oui, aussi parce qu'en retrouvant ses compagnons de lutte, il apprend que son père et son beau-père ont été fusillés par les Allemands. Et reste-t-il à Paris? Non. Il est nommé commissaire interrégional des FTP en Franche-Comté. C'est donc maintenant un cadre important. Tout à fait. Et il a le grade de commandant, mais enfin, allons vite. À la fin de l'année 43, il revient à Paris déguisé en curé. En curé? Oui, lui, le communiste est devenu l'ami d'un curé qui lui a prêté sa soutane et son bréviaire. Un bréviaire un peu spécial. Pourquoi spécial? Parce qu'il était creusé de façon à pouvoir dissimuler un petit pistolet. À Paris, une nouvelle fois, il échappe à l'arrestation en lançant une grenade dans les jambes des policiers qui veulent l'attraper. Puis il est envoyé dans plusieurs régions pour préparer l'insurrection finale. Et quand vient le mois d'août 1944, il se trouve naturellement à Paris pour la libération de la capitale. Et quel rôle y joue-t-il, là? Le colonel Fabien a tenu quelques chars du général Leclerc. Et c'est ainsi qu'il va pouvoir mener l'assaut contre le Luxembourg, où des soldats allemands continuent à se battre. On est donc fin août, et au tout début septembre, le jeune colonel va se lancer dans ce qui sera sans doute sa plus belle aventure. Ouais, la création de la brigade Fabien, c'est ça. Qu'on appellera aussi la brigade de Paris, car Fabien rêve de participer à l'ultime combat, celui qu'il conduira jusque sur les rives du Rhin. Oh, rendez-vous avec X. La brigade Fabien. L'armée Bourbaki, comme on disait en plaisantant, commandée par le petit colonel des barricades, l'homme de la nouvelle armée, celle du prolétariat en marche. C'est Alphonse Boudard qui parle ainsi. Alphonse Boudard, qui en était lui aussi. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire ces quelques lignes consacrées à Fabien dans son roman Le Corbillard de Jules. C'était en quelque sorte l'opposé de Patton, le colonel Fabien. Question gabarit, il ne paye pas de mine, son casque de l'armée 39. Il a la vareuse fermée jusqu'au col, le style déjà Mao. À part ses galons sur la manche, il s'efforce, on dirait, de passer inaperçu, de se fondre dans la masse de ses soldats. Il a tout de même un false de cheval, un saumur. Il ne le perd pas, comme le Gugus de Varennes, mais on voit bien que ce n'est pas son genre. Il sort de l'usine, lui, de la métallurgie. Il sent le casse-croûte de 10 heures sur le chantier. La tubardise le guette. Il a piqué une pneumonie en Espagne pendant la guerre. On dit qu'il ne s'en est jamais vraiment remis. Je vous prends au vif. Il nous passe en revue, notre corps franc. Quelle ville? Je ne sais plus bien. Sarnie, peut-être. Sainte-Marie-aux-Chênes. Il y a en lui quelque chose de furtif, de dur aussi. C'est une lame d'acier trempée, aucun doute. Et créer une brigade, ça signifie quoi exactement pour Fabien ? Ben, il veut, comme beaucoup d'autres, que les forces de la résistance... Donc FFI, FTP... Oui, ouais. Donc il veut que ces forces participent à la continuation de l'effort de guerre aux côtés des alliés. Oui, mais en se fondant dans l'armée française. Oui, Fabien le voudra de toutes ses forces. Il aura gain de cause peu de temps avant de mourir. Ouais. Parce qu'il y avait des oppositions. Bien sûr, certains militaires de carrière n'avaient nulle envie de voir arriver dans les rangs de l'armée ces combattants de l'ombre qui n'avaient pas reçu de véritable instruction militaire et qui avaient un sens de la discipline assez peu orthodoxe. Oui, et qui en outre étaient pour une bonne part d'entre eux, étaient communistes ou sympathisants communistes. Évidemment, hein. L'aspect politique était important. De Gaulle, le premier, se méfiait des FTP. Il n'était pas le seul. Alors Fabien a décidé de forcer le destin. Mais comment a-t-il fait alors ? Transgressant les ordres du gouvernement provisoire, il réquisitionne des autobus. Il fait monter le gros millier de combattants qu'il a pu rassembler. Et cette troupe hétéroclite, mal habillée, armée de briques et de brocs, prend la route vers l'Est dès le début septembre. Et on l'a laissé faire ? Il était difficile de s'opposer à Fabien, vraiment très difficile. Et puis allait-on se tirer dessus entre Français alors qu'une partie du territoire était encore occupée ? Ouais. Alors la brigade Fabien part et pour participer au combat. Et le plus vite possible, tout en s'organisant peu à peu. Fabien impose des séances d'entraînement, réquisitionne d'autres véhicules, s'empare des armements abandonnés par l'ennemi, réclame sans cesse à ses chefs des FTP, des vêtements, des armes, de l'argent. Mais sur le terrain, que fait-il ? Il participe à plusieurs opérations de nettoyage. Puis il prend contact avec les Américains, avec lesquels il arrive jusqu'à la frontière luxembourgeoise. Ouais. Alors, la brigade Fabien se bat donc avec les Américains ? Exactement. Et il y a à peine une semaine que cette bande de va-nu-pieds a quitté Paris. J'ajoute que si Fabien rejoint en priorité les Américains, ce n'est pas tout à fait par hasard. Expliquez-moi ça. À Paris, on est toujours décidé à dissoudre les FFI au plus vite. Et Fabien sent que sa brigade est en sursis. Il sent bien quand il est amené à être en contact avec des officiers français. Sa brigade et ses hommes ne sont pas toujours accueillis avec le sourire. Et parfois, ces militaires à l'ancienne mettent même la population en garde contre les agissements de ces soldats qui ont des drôles de têtes et certainement des idées anarchistes. Mais vous n'exagérez pas un peu, là ? Mais pas du tout. Et pourtant, Fabien punit sévèrement les pillards. Il en fera même fusiller. Mais c'est difficile de lutter contre les préjugés et la mauvaise foi. Par contre, les Américains ne réagissent pas du tout de la même façon. Ah bon, et eux, ils aident Fabien. Oui, mais ils sont assez rapidement épatés par l'efficacité de ces hommes qui ont été formés à la guérilla et qui sont en outre particulièrement motivés. Et c'est Patton, en personne, qui donne à Fabien le coup de pouce nécessaire. Ouais, Patton, Fabien, deux personnages hors du commun. Hein. Oui, le cow-boy et le partisan, étrange attelage, mais efficace. À la mi-septembre, la brigade Fabien se trouve à quelques kilomètres de Metz. En face, il y a les lignes allemandes. Et les troupes de Fabien, désormais intégrées au 20e corps d'armée américain, vont mener une vraie guerre. C'en est fini de la guerre des partisans. Oui, et à Gravelotte en particulier, les hommes de Fabien vont remporter un grand succès, malgré des pertes nombreuses. Les effectifs ont alors fondu ou... Non, parce que Fabien a reçu des renforts, des jeunes de la banlieue parisienne, qui sont d'ailleurs eux aussi partis en désobéissant aux ordres de l'état-major. Enfin, l'obstination paie. Car bientôt, la brigade Fabien bénéficie d'une reconnaissance officielle. Elle devient le groupe tactique Lorraine avant d'être rebaptisée 151e régiment d'infanterie et intégrée à la première armée du général Delattre de Tassigny. Ah, cette fois, Fabien a réussi. Oui, mais ça aurait été long et Fabien a dû affronter bien des difficultés et vaincre bien des hostilités. Ouais. Fabien avait, si je vous comprends bien, avait donc des ennemis. Nombreux, oui. Ses méthodes, son style de commandement ne plaisaient pas toujours. Et puis c'était un communiste qui allait bientôt être nommé général. Et ça ne passait pas bien. Oui, mais à votre connaissance, existe-t-il des preuves concrètes de cette hostilité ? Assurément. Certains des officiers de la brigade ont reçu des menaces de mort. D'autres ont été pressés de quitter la brigade au prétexte qu'un officier français ne pouvait pas combattre dans une unité commandée par un communiste. Mais le véritable danger venait d'ailleurs. Mais d'où alors ? De l'intérieur même de la brigade. Enfin, je vais y venir. À la mi-décembre, Fabien et ses hommes arrivent à Apchem, en Alsace. Ça se trouve au sud de Mulhouse, tout près de la rive du Rhin. Oui, et les Allemands, à ce moment-là, se trouvent de l'autre côté. Oui, de l'autre côté du canal, très exactement. Et un peu après Noël, les hommes de Fabien reçoivent l'ordre d'aller déposer des mines, justement dans ce secteur qui est encore contrôlé par les Allemands. Ces mines étaient très spéciales. Pourquoi ? C'était des charges explosives, assez lourdes, disposées dans des caissettes en bois. Ah oui, j'imagine, afin qu'elles ne puissent pas être détectées de façon magnétique. C'est cela. Ah. Or, les soldats de la brigade ne connaissaient pas ces engins. Seul Fabien, qui était un expert en explosifs, en savait le maniement. Et le soir du 27 décembre, il demande qu'on lui apporte une mine désamorcée, afin d'en expliquer le fonctionnement à ses principaux officiers. Une mine désamorcée, avez-vous dit ? Oui, j'insiste sur ce point. À l'armurerie, un des engins avait été désactivé exprès. Et pour la démonstration ? Tout à fait. Un soldat se rend donc à l'armurerie, se fait remettre l'engin et le porte à la mairie d'Apchem, où Fabien a établi son QG. Le colonel est entouré de quelques officiers. Il commence la démonstration en soulevant le couvercle de la caisse et aussitôt c'est l'explosion. Le bâtiment est littéralement soufflé. Fabien est mort sur le coup ? Oui, il a été déchiqueté, lui mais aussi plusieurs membres de son état-major. Il y a eu de nombreux blessés, certains très grièvement atteints. Alors, pour vous, que s'est-il passé, vraiment ? Avant de vous répondre, je voudrais vous dire qu'il n'y a pratiquement pas eu d'enquête. Et on s'est empressé de refermer ce dossier le plus vite possible. Et quand le frère de Fabien, lui-même officier FTP, a voulu enquêter personnellement, il en a été vite dissuadé sous le prétexte que l'enquête officielle avait conclu un accident. Parce qu'on ne voulait pas savoir. Certainement. Mmh. Avant de voir qui, éventuellement, a pu vouloir tuer Fabien, je reviens à ma question, là. Comment l'assassin, si assassin il y a, a-t-il procédé ? Je pense qu'il y a eu une substitution de mine. C'est-à-dire une mine en état de fonctionner contre celle qui avait été désamorcée. Oui. Ouais. Oui, mais cette substitution a eu lieu quand ? Il n'y a que deux hypothèses. Ou bien ça s'est passé à l'armurerie même, ou bien pendant le transport jusqu'au QG de Fabien. Et votre avis, à vous ? Franchement, je n'en sais rien. Ah. Mais deux éléments découverts plus tard sont à prendre en considération. D'une part, le soldat qui a apporté la mine a ensuite mystérieusement disparu. D'autre part, il y avait à l'armurerie un personnage très louche. Un personnage louche ? Oui. Un type qui avait été recruté tardivement par la brigade et qui était sans doute un collabo désireux de se cacher. Un homme qui finira mal puisqu'il sera ensuite fusillé pour avoir violé une jeune Allemande. Oui, mais vous n'avez pas de preuves formelles pour l'accuser ? C'est vrai, seulement des soupçons. Bon, alors, deuxième question encore plus intéressante. Qui aurait pu commanditer cet assassinat ? Je vous ai parlé d'une confidence qu'aurait reçue Bruxelles, le compagnon d'armes de Fabien. Un de ses amis, un résistant, lui aussi, a été emprisonné en même temps que Fabien. Et celui-ci lui a dit, seuls trois hommes connaissaient ma planque. C'est l'un d'eux qui m'a donné. Et ces trois hommes, alors ? Trois dirigeants du PC. Trois hommes que Fabien connaissait fort bien. Et au fil du temps, le colonel avait peut-être fini par identifier le traître. L'homme qui avait peut-être aussi donné le labo dont je vous ai parlé. Ça me paraît loin d'être invraisemblable. Même si c'est exact, le très jeune colonel Fabien, en passe de devenir général, dérangeait vraiment beaucoup de monde. Gilbert Bruchlein, dans une interview accordée en 1994 à l'événement du jeudi, affirme en effet que Fabien aurait confié à son ami Jacques d'Endurin « Les flics sont venus directement à ma planque et seulement trois membres du comité central connaissaient celle-ci. » D'autre part, Roger Faligo et Rémi Goffer, dans le livre sur le service B, écrivent à propos de la mort de Fabien. Accident, imprudence, attentat, les véritables circonstances de cette explosion n'ont jamais été tirées au clair. Nombre d'anciens combattants du 15-1 sont persuadés de nos jours que la mine était piégée. Dans ce cas, la question demeure, qui pouvait avoir intérêt à faire disparaître le colonel Fabien et pourquoi l'enquête sur sa disparition n'a-t-elle pas été poussée bien loin ? Enfin, dans sa biographie du colonel Fabien, l'écrivain et journaliste communiste Pierre Durand émet aussi l'hypothèse que Fabien a été assassiné. Son ouvrage, Qui a tué Fabien, a été récemment réédité aux éditions Le Temps des Cerises, mais la véritable conclusion, je la laisse à Alphonse Boudard, encore une fois. Que serait-il devenu Fabien s'il n'avait pas sauté en démontant une mine anti-char dans son PC en fin décembre ? Serait-il resté docile dans la ligne ? Aurait-il fait toutes les autocritiques voulues par le comité central ? Au bilan, bien peu de leurs héros de l'ombre ont échappé à la machinerie broyeuse du parti. Il est mort, vraiment, au bon moment, le colonel. On ne peut plus lui dévisser sa plaque de métro. Il n'aura jamais eu le temps de se ternir l'auréole, de grossir du bide, de se compromettre, de trahir d'une façon ou l'autre, d'encourir les sarcasmes de la contestation. Joli texte, non ? Je vous rappelle notre adresse internet www.franceinter.com et je vous rappelle que désormais, vous pouvez réécouter l'émission sur internet. À bientôt.